بسم الله الرحمن الرحيم. سندخل اليوم في سورة المجادلة في المسألة 82%. طلع سقط ودزيم مسألة في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. Dans le sens où Allah dit: Ô vous qui avez cru, si jamais vous voulez avoir un entretien privé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors faites devancer cet entretien par une aumône. Al-Mujadala, l'entretien verset 12. Qala al-Mu'allifu rahmahullah ta'ala. Hadhihi al-ayatu tadullu ala talab taqdim al-sadaqati amam al-munajah. Wa qawluhu ta'ala: ashfaqtum أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم. الآية يدل على خلاف ذلك. Donc l'auteur il dit, رحمه الله تعالى, que ce verset démontre qu'il faut faire devancer une aumône avant d'avoir un entretien avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que cela est une obligation pour quiconque voudrait parler avec lui en privé. Et dans la parole d'Allah dans le sens, un autre verset où il dit: appréhendez-vous de faire précéder d'aumône votre entretien, mais si vous ne le faites pas, et Allah a accueilli votre repentir, il a akhil al-ayah, jusqu'à la fin du verset. Verset 13. Yadullu, cela démontre l'opposé. C'est-à-dire que le fait de faire précéder cela par une aumône n'est pas une obligation. Un verset, qui est le verset de la mas'ala, qui dit que celui qui veut avoir un entretien qui fasse précéder une aumône, et un verset qui dit que celui qui ne le fait pas, Allah accueille son repentir, et que cela n'est pas obligatoire. قال والجواب ظاهر وهو أن الأخير ناسخ الأول والعلم عند الله تعالى. Et donc la réponse elle est claire, tout simplement que le deuxième verset, de verset 13, qui vient après le verset 12, bien évidemment, démontre qu'il abroge. C'est un abrogeant du verset précédent. Le premier indique une obligation et le deuxième indique une abrogation de ce jugement d'obligation. Et le savoir est auprès d'Allah Azza wa Jal. Naam, walhamdulillah rabbil alamin.